Yesterday, I tried to explain how a yogi should practice the four foundations of mindfulness ardently, energetically, according to the teachings of the Buddha. Hier, je vous ai expliqué la façon dont le yogi pratique Satipatthana avec ardeur et énergie. Et cet enseignement se basait sur l'enseignement du Bouddha. Je vous ai également parlé des qualités du yogi. Je vous les rappelle brièvement. Il y a tout d'abord Saddha, la confiance ou foi. Ensuite, la santé, l'honnêteté, l'effort ou viriya. Il s'agit d'un effort à la fois physique et mental. Cet effort viriya est très important pour celui qui envisage sérieusement de comprendre l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire anicca, dukkha et anatta. Anicca, c'est l'impermanence, dukkha, c'est l'insatisfaction et anatta, c'est le non-soi. Si le yogi fournit réellement un effort de façon assidue et ardente, tôt ou tard, il réussira à comprendre l'enseignement du Bouddha très clairement. Aujourd'hui, je vais poursuivre mon enseignement à propos de viriya, l'effort. Atapi sampajano satima. Ces trois mots sont très importants, mais le plus important, c'est l'effort. Vous savez que l'effort est crucial dans la pratique. Si le yogi ne fournit pas d'effort, il ne réussira pas à être attentif de moment en moment. Un yogi qui veut réellement voir les choses telles qu'elles sont réellement devra obligatoirement fournir cet effort. S'il ne fournit pas cet effort, aucun résultat n'est possible. Nous suivons les instructions du Bouddha. Et nous, yogis, nous essayons de pratiquer de façon assidue. Mais malgré nos efforts, nous ne réussissons pas à noter l'objet dans l'instant présent. Pourquoi? Bien souvent, expliquent les yogis, c'est parce que la somnolence s'est infiltrée dans leur esprit. La somnolence, c'est un empêchement. Nous devons comprendre que si la somnolence s'est présentée dans l'esprit, c'est parce que notre effort est faible. Nous devrons nous débarrasser de cette somnolence. Mais il n'y aura pas que la somnolence. Il y aura parfois Vyapada, la colère ou l'aversion. Parfois Kamachanda, le désir sensuel. Parfois ce sera le doute. Et lorsque notre esprit ne se maintiendra pas sur les objets, ce sera l'agitation. Tout cela, ce sont les empêchements. Ces empêchements nous empêchent de progresser. Pour nous en débarrasser, nous aurons besoin de viriya, l'effort physique et mental. Lorsqu'on pratique la méditation, il faut noter attentivement tout ce qui se manifeste à chaque instant. Il faudra faire preuve d'énergie, il faudra noter avec précision et de façon assidue. Comme je vous l'ai expliqué hier, il y a trois sortes d'efforts, trois sortes de viriya. Le premier, Arambha Dhatu, va nous permettre de nous débarrasser du désir sensuel. Le deuxième, Nekama Dhatu, l'effort moyen, est plus puissant que le premier, l'effort initial. Ce deuxième effort va nous permettre de surmonter la paresse et d'éliminer l'ignorance. Le troisième effort, c'est l'effort suprême. Il est encore plus puissant que les deux premiers. Cet effort va nous permettre de comprendre clairement le Dhamma. Un yogi énergique, c'est un yogi qui est capable de fournir ces trois types d'efforts. Pour le moment, il vous est très difficile de noter sans interruption les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, à moins que votre effort ne soit déjà très puissant. Il vous est également très difficile de noter les pensées. Sans interruption, vous devez noter pensée, pensée. Si vous réussissez à noter les pensées dès qu'elles se manifestent et sans arrêt, il n'y aura aucune place pour elles par la suite. Lorsque vous pratiquez la marche et que vous faites une note, deux notes ou trois notes à chaque pas, vous devez essayer d'observer ces mouvements avec attention et précision. À chaque pas, vous devez fournir un effort pour être très attentif. De cette façon, grâce à votre effort, votre attention va se développer. Si vous n'êtes pas intéressé par l'observation des mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, si vous n'êtes pas intéressé par l'observation des pas lors de la marche, que vous fassiez une note, deux notes ou trois notes, vous ne remarquerez rien au moment où votre abdomen se s'abaisse et se soulève, vous ne remarquerez rien dans la marche. Et si vous ne remarquez rien, c'est tout simplement parce que vous ne faites pas assez d'efforts, vous n'êtes pas énergique. Vous ne sentez rien, ni dans les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ni au moment de la marche, dans les différentes phases du pas. Par contre, si vous êtes intéressé par la pratique, vous allez fournir un effort. Vous essayerez de noter très attentivement et vous serez en mesure de ressentir le mouvement dans la région de l'abdomen. Lorsque le mouvement de soulèvement se présente, vous notez « soulèvement » et vous expérimentez le mouvement. Vous observez ce processus jusqu'à la fin. À la fin, il disparaît. Vous pouvez le constater. Lorsque vous notez l'abaissement, au moment précis où vous le faites, vous pouvez voir que le soulèvement qui a précédé n'existe plus. Vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a que l'abaissement. Et vous pouvez maintenir votre attention jusqu'à la fin de ce processus et le voir se terminer. Toutes ces expériences sont vos remarques, ce que vous remarquez au moment où vous observez très attentivement. Pourquoi avez-vous remarqué ces choses? Parce que vous avez fourni un effort. Ainsi, si vous notez l'objet avec attention et précision, votre esprit va devenir alerte. Il ne sera pas engourdi. Mais si l'esprit est faible, la somnolence et la torpeur vont très facilement s'infiltrer. Lorsque l'esprit est énergique, il n'y a tout simplement pas de place pour ces choses. C'est pourquoi le Bouddha a dit « Un yogi qui travaille de façon énergique, c'est un yogi capable d'appliquer les trois types d'efforts, Arambhadhatu, Nekamadhatu, Parakamadhatu. » La somnolence et la torpeur qui ne se sont pas encore manifestées dans l'esprit n'ont aucune chance d'apparaître. La somnolence et la torpeur qui sont déjà présentes dans son esprit vont disparaître. Si l'esprit qui note est énergique, la somnolence et la torpeur n'ont aucune chance de s'infiltrer. C'est tout simplement parce que le yogi fournit un gros effort. Il est très énergique. Parfois, la somnolence et la torpeur se sont déjà infiltrées dans l'esprit. Par exemple, le méditant était occupé à observer les mouvements de l'abdomen et après quelque temps, il constate qu'il est pris par la somnolence. La somnolence et la torpeur sont donc déjà en lui. Que doit-il faire alors? Il doit intensifier son effort. Il doit se dire qu'il faut qu'il développe les trois types d'efforts. Il doit noter très attentivement somnolence, torpeur. Mais ce n'est pas facile de se débarrasser de ces choses, car à ce moment-là, l'esprit est lourd, paresseux. Nous devrons donc fournir un très gros effort. De cette façon, les empêchements qui étaient déjà présents dans l'esprit vont disparaître. Le yogi l'a parfois exprimé à l'entretien. Certains d'entre vous ont expliqué qu'ils ont noté attentivement la somnolence et qu'ils l'ont vu disparaître. Lorsque l'esprit est très énergique, le méditant réussit à tout noter dans le corps et dans l'esprit. Il est capable de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il est capable de noter attentivement les pensées. Et s'il est très attentif, il peut voir que cette pensée disparaît à l'instant précis où il la note. Au moment où vous notez très attentivement, aucun désir, aucune colère ne sont présents dans votre esprit. De cette façon, vous êtes libre des impuretés au moment où vous êtes attentif. En réalité, si vous réussissez à noter le mouvement de soulèvement et que vous réussissez à maintenir votre attention sur ce processus pendant toute sa durée, il n'y a aucune impureté dans votre esprit. Si vous réussissez à noter le mouvement d'abaissement et que vous maintenez votre attention pendant toute la durée de cet abaissement, il n'y a aucune impureté dans votre esprit. Votre esprit est pur et clair. Il est débarrassé des impuretés. Parfois, le yogi peut constater par lui-même que son esprit est calme et paisible. Un esprit calme et paisible est un esprit débarrassé des impuretés. Lorsque les impuretés sont dans l'esprit, l'esprit ne sera ni calme ni paisible. Lorsque l'esprit est calme et paisible, le yogi est capable de noter les objets à chaque instant. Et il est capable de faire cela non pas pendant à une ou deux reprises, mais pendant une, deux ou trois minutes. S'il n'est capable de noter ainsi qu'à une ou deux reprises, il ne verra pas que son esprit est calme. Mais s'il réussit à le faire pendant deux ou trois minutes, il pourra constater effectivement que son esprit est devenu très calme. S'il constate par lui-même que son esprit est devenu très calme, la confiance va se manifester. Si la confiance se manifeste, le yogi pourra fournir plus d'énergie physique et plus d'énergie mentale. Un yogi qui pratique avec beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie va donc constater que son esprit se calme, qu'il devient très paisible. Si son esprit s'est calmé et qu'il est devenu paisible, c'est parce qu'il n'y a plus d'impureté en lui. Les paroles du Bouddha nous disent donc que le yogi demeure contemplant le corps dans le corps, ayant éliminé lobha et dosa. Lobha, c'est le désir avide, dosa, c'est la colère. Lobha et dosa sont des impuretés grossières. Si vous réussissez donc à noter de façon attentive et dans l'instant présent, on peut dire que vous avez éliminé les impuretés grossières de votre esprit. C'est à chaque moment d'attention que ces impuretés sont absentes de l'esprit. C'est donc une élimination momentanée des impuretés grossières. Si vous ne réussissez pas à noter les objets, forcément, les émotions vont s'introduire dans votre esprit. Il y aura de la tristesse, de la colère, du ressentiment, de l'inquiétude. Tout cela sont les états d'esprit négatifs, les états d'esprit désagréables. Mais si vous réussissez à noter attentivement ces états d'esprit désagréables, vous verrez qu'ils disparaissent à l'instant précis où vous les notez. Lorsque vous aurez vu ces états d'esprit disparaître de votre esprit, cet esprit va devenir calme et paisible. Il devient calme et paisible parce qu'il a éliminé la tristesse, la colère, le ressentiment, l'inquiétude. C'est à chaque moment d'attention, chaque fois que le méditant note ses états d'esprit, qu'il les voit disparaître. C'est de cette façon que le méditant se débarrasse de ses états d'esprit désagréables. Tant que vous vous montrez énergique et que vous notez de façon attentive, votre esprit expérimente la paix et le calme. Vous pourrez constater par vous-même qu'au moment où vous notez attentivement les objets, il n'y a pas d'impureté dans votre esprit. Vous êtes libre des impuretés pendant un certain temps, tout simplement parce que vous êtes très attentif au corps et à l'esprit. Dès que les états d'esprit se manifestent en vous, vous les notez, et au moment précis où vous les notez, vous constatez qu'ils disparaissent. De cette façon, vous expérimentez une élimination temporaire des impuretés. L'élimination temporaire des impuretés, c'est le bénéfice que vous obtenez du fait de noter attentivement et avec précision l'objet présent. Si nous ne sommes pas attentifs, Si notre attention n'est pas assez forte, si notre effort n'est pas assez puissant, les kilesas sont toujours susceptibles de s'introduire dans notre esprit. Mais si nous sommes très attentifs, que nous notons à chaque instant, en fournissant un puissant effort, les kilesas, les impuretés, n'ont aucune chance de s'introduire dans notre esprit. C'est de cette façon que nous pouvons éliminer les impuretés pendant un certain temps. Je vous ai donc expliqué Kaya Nupassana, l'attention au corps. Le texte pali dit ceci, le bhikkhu ou le yogi demeure contemplant le corps dans le corps ou étant attentif au corps dans le corps, avec ardeur, claire compréhension et attention, ayant éliminé l'avidité et la colère dans le monde. Le monde, dans ce contexte, c'est le corps. J'espère que vous avez compris en quoi consiste l'attention au corps. Très brièvement, l'attention au corps, c'est noter attentivement toutes les activités. Nous allons passer maintenant à Vedana Nupassana. C'est la même chose. Lorsqu'une sensation se présente dans le corps, vous devez noter attentivement et avec précision. Vous devez fournir ces trois types d'efforts, Arambha Dhatu, Nikama Dhatu et Parikama Dhatu. Vous devez être très énergique lorsque vous notez les sensations, surtout s'il s'agit de sensations désagréables. Le Bouddha nous dit que nous allons expérimenter trois sortes de sensations. Mais en fait, vous ne les avez pas encore expérimentées, à moins que votre attention soit très énergique. Pour le moment, ce sont surtout les sensations désagréables que le méditant expérimente. Engourdissement, pression, tension. Lorsque les sensations désagréables se manifestent en vous et qu'elles deviennent très claires, vous abandonnez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et vous dirigez votre attention vers ces sensations désagréables, puisqu'elles sont très claires. Vous notez attentivement, en prenant tout votre temps, douleur, douleur, douleur. Mais nous ne comprenons pas l'enseignement du Bouddha, et même si nous nous efforçons de le comprendre, nous ne sommes pas encore en mesure de l'accepter. Nous nions dukkha. Nous voulons qu'il y ait sukha, le bonheur, le plaisir, qu'il y ait nitcha, la permanence, et qu'il y ait atta, un soi. L'esprit du Putujana est ainsi. Mais nous devons essayer de comprendre l'enseignement du Bouddha. Nous devons essayer de comprendre la véritable nature de notre corps et de notre esprit. Si nous ne comprenons pas la nature de notre corps et de notre esprit, forcément il y aura de l'attachement pour le corps. Nous allons aimer ce corps. À ce propos, je voudrais vous raconter l'histoire de Malika. Malika était une personne qui vivait du temps du Bouddha, qui n'était pas née dans une famille royale, mais qui avait cependant été choisie par le roi Kosala comme épouse. C'était une femme intelligente, une dévote du Bouddha. Le roi Kosala lui donnait la préférence. Un jour, il lui posa une question. « Malika, qui aimes-tu le plus ?» La reine Malika était intelligente et se dit « Le roi aimerait que je lui dise que c'est lui que j'aime le plus. Mais je ne peux pas lui mentir. En fait, ce n'est pas lui que j'aime le plus, c'est moi-même. » Elle lui répondit donc « Majesté, c'est moi que j'aime le plus. » Cette histoire illustre le fait que tant que nous aurons de l'attachement à notre personnalité, nous ne pourrons pas accepter l'enseignement du Bouddha, nous ne pourrons pas accepter dukkha, mais nous ne pourrons pas non plus échapper à dukkha. Par la méditation, notre but c'est d'essayer d'atteindre le noble chemin, le noble fruit et de réaliser Nibbana. Nibbana, c'est la libération. Quand la sensation désagréable se manifeste, nous devons donc apprendre à la noter attentivement. Si nous réussissons à la noter attentivement, nous verrons ses qualités. Nous verrons que par moments, elle augmente d'intensité, par moments, elle diminue d'intensité, parfois, elle se déplace, elle se transforme. Nous commençons ainsi à comprendre l'enseignement du Bouddha. Le corps n'est pas sukha, le corps est dukkha. Si nous comprenons que le corps est dukkha, nous allons petit à petit nous détacher de ce corps, et nous ne serons plus tellement attachés au corps. Nous désirerons même atteindre la libération de la souffrance. Mais les sensations désagréables ne seront pas toujours là. Si nous apprenons à les noter avec beaucoup d'attention, nous aurons un nouveau type de sensations. Ce seront des sensations agréables, et ensuite, nous allons avoir les sensations neutres. C'est une question d'état d'esprit. Au moment où vous ressentirez une sensation agréable, en réalité, la sensation est la même que précédemment. Il s'agit encore toujours d'une pression, d'une brûlure, d'une douleur. Mais c'est votre réaction par rapport à cette sensation qui a changé. Vous êtes capable dorénavant de les accepter. Vous êtes capable de bien les gérer. Tant que nous ne serons pas capables d'accepter la sensation désagréable, il ne sera pas possible d'expérimenter les sensations agréables. Et tout cela est dû à la force d'attention. Mais vous avez déjà développé votre attention et donc vous expérimentez déjà des sensations agréables dans une certaine mesure. Vous pourriez vous demander comment se fait-il que j'expérimente déjà des sensations agréables. Vous devez savoir que pendant les premiers jours de la retraite, vous ne réussissiez pas à rester immobile pendant toute la séance. Vous deviez changer deux ou trois fois de posture. Vous avez pratiqué depuis quelques jours déjà et vous êtes capable de rester assis immobile sans bouger pendant toute l'heure ou vous changez moins souvent de posture. Pendant la marche, au début, vous étiez très distrait, vous regardiez de tous côtés. En ce moment, vous êtes capable de pratiquer la marche et de noter voir au moment où vous voyez ou regarder au moment où vous regardez. It is not easy to sit in one position. Not easy unless we have. Ce n'est pas facile de rester assis immobile pendant une heure, à moins d'être très attentif et très énergique. Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de douleurs, des engourdissements, il y a de la fatigue. Mais vous avez progressé. J'ai pu le constater moi-même. Vous êtes très paisible le matin, durant la première heure de méditation, et le soir, pendant la dernière heure de méditation. Je n'entends personne bouger. Pendant la marche également, j'ai pu constater que vous pratiquiez tous de façon composée, vous ralentissez tous vos mouvements, vous êtes très attentifs. C'est ainsi qu'il faut développer l'attention par l'effort. That is enough for today. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then may you attain Nirvana. Sadhu, sadhu, sadhu.